بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. Retournons à cet épître de Cheikh Abdallah Somali, Abdallah Ta'ala, dont le titre est L'interdiction d'étudier chez les gens de l'innovation. البارحة لاحظت شيئا من الاستغراب على بعض الوجوه الطيبة ولعل البعض يأتي في الخاطر كفانا تفرقا أما وجدت إلا هذا الموضوع. أخي أعلمك أن التمييز والتميز صفة من صفات أهل السنة والجماعة، وحتى يطيب خاطرك ويطيب خاطر البعض هاكم كلام إمام الجرح والتعديل وحامل رايته في هذه الزمان سماحة الوالد الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. Hier j'ai remarqué sur certains visages, certains nobles visages, un petit peu d'étonnement, le fait d'être étonné, que les expressions disent, est-ce que ça ne suffit les divisions, tu n'as trouvé que ce sujet-là, dans ces moments difficiles que nous vivons, que vit la communauté. Je t'annonce, frère en Allah, Azza wa Jal, que la particularité, le fait d'être particulier, et de chercher à être particulier, c'est l'une des caractéristiques des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Et le fait d'attirer l'attention sur l'innovation, les gens de l'innovation, etc., ça fait partie de notre voie. Et ça fait partie de la voix des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Et pour que ça pèse ton esprit, je te cite certaines paroles de l'éminence de celui qui porte l'étendard de la réfutation et de l'éloge à notre époque qui est cher, son éminence cher, Rabbi Hafidhahullah Ta'ala. J'ai su'alun ila Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, et je vous conseille, frère Allah Subhanahu wa Ta'ala, ceux qui ont l'arabe, de rentrer dans Sahab. Vous avez par série, ils sont à la 12e série maintenant sur les fatwa et les verdicts du Cheikh Rabih. Et dedans, c'est par chapitre la désobéissance, le ma'asi, les innovations et ainsi de suite. Sors-les et les lis. Ils vont être d'une grande utilité, surtout à notre époque là, l'époque des ambiguïtés. Et où on vit dans des déluges d'ambiguïtés. Et que ceux qui sont en divergence avec la voix du puiseur d'Allah Alim ne cessent d'envoyer leur venin et d'envoyer les ambiguïtés. J'ai fait ce à l'île de Hafidhahullah Ta'ala wa Ra'ah. Ida nusiha al-ba'd bi'adam mumashat al-bid'a wa mujalasatihim ajab biqawli ana mu'assal. Fama qawlukum. Et j'ai choisi certaines questions ici, parmi lesquelles il y a cette question. Quand on conseille à quelqu'un de ne pas être en compagnie des gens de l'innovation, de ne pas s'asseoir avec eux, il répond, moi j'ai des fondements, j'ai des règles. Qu'est-ce que vous dites sur ça? يقول حفظه الله تعالى نقول له لو كنت مؤصلا ما مشيت معهم. لو كنت مؤصلا وعرفت منهج السلف وعرفت المخاطر التي تتعرض لها وعرفت الضحايا من أمثالك الذين كانوا مغرورين مثلك والله لو كنت كذلك ما مشيت مع أهل البدع. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, en réponse à cette ambiguïté, nous disons à cette personne, si vraiment il avait les fondements, il avait les règles, il ne marcherait pas avec eux, il ne marcherait pas avec les gens de l'innovation. Et s'il connaissait la voie d'Yel Salaf, il connaissait les dangers devant lesquels il s'expose, et s'il connaissait les victimes comme lui, qui étaient imbues comme lui, par Allah, il ne marcherait pas avec les gens de l'innovation. يقول ويمشي الكثير مع أهل البدع بحجة أنه ينفعهم. يا أخي لم يستقيموا من العلماء فكيف يستقيمون منك؟ Il dit, حفظه الله تعالى, et beaucoup marchent avec les gens de l'innovation en prétextant comme quoi il est bénéfique à eux, il va être bénéfique à eux. Il dit, oh mon frère, ils n'ont pas pris la droiture par les orientations des hommes de science, ils vont la prendre de toi. يقول حفظه الله يرفضون قول ابن باز وأقوال الألباني وابن عثيمين رحمه الله وغيرهم من أئمة الإسلام ويقبلون منك. Il disait, حفظه الله تعالى, il refuse les paroles d'Ibn Baz, les paroles de l'Albani, les paroles d'Ibn Uthaymin, ils vont accepter de toi. Ils refusent les imams, les paroles des imams de l'islam, ils vont accepter de toi. Subhanallah. يقول هذا هوس ثم إن 99% أنك تصبح من أذنابهم. Il dit ça, c'est des perturbations d'esprit, c'est des futilités, ce que tu dis là. Et il y a, à 99%, tu vas être un dealer. À 99%, en agissant ainsi, à 99%, tu vas être un dealer. وَهَذَا الْإِسْلَامُ أَقُلْ لَكَ أَنَّهُ كَلَامٌ خَرَجَ مِنْ فِي مَنْ عَرَفَ مَنْهَجَ السَّلَفِ وَصَارَ عَلَى طَرِيقَتِهِمْ حَفِظَهُ اللَّهُ وَمَتَّهَبِهِ. Et ça, je te dis, frère, en Allah Azza wa Jal, c'est une parole qui sort de celui qui maîtrise, qui connaît au moindre détail la voie des salaf et qui a pris leur chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. وطبعا انتم سمعتم في الابواب كلها تحذير تعزير اهل البدع. Vous avez entendu les châtiments qui découlent pour les gens de l'innovation, qu'est-ce que doit faire le gouvernement, etc. Et toi, tu sursautes de ta place. Sache frère en Allah azza wa jal qu'il y a une différence entre le commun et les prêcheurs d'ahl al-bid'a. Et pour le savoir, je vais citer certaines paroles de Cheikh Rabi Hafidhahu Allah ta'ala. يقول السلف فرقوا بين الدعاة وغيرهم. الدعاة عاملوهم بشدة هجروهم وقاطعوهم ولم يأخذوا عنهم العلم وإذا تمادى في دعوته أغروا به ولاة الأمور فيقتلونه إلى آخر ما عاملوا به أولئك الضلال. Il dit حفظه الله تعالى, sache que salaf font la différence entre le prêcheur de l'innovation et le commun. Ils font une grande différence entre les deux. Les prêcheurs, ils sont sévères et fermes avec eux. Ils les mettent à la quarantaine, ils ne leur parlent pas, ils les délaissent, ils ne prennent pas la science d'eux. Et s'ils continuent dans cette voie-là, ils trouvent le moyen pour faire en sorte que le gouverneur lui donne le châtiment qu'il le mérite, ou là qu'il le tue le gouverneur. Ainsi, donc, quand tu regardes, quand tu verras comme tu vas passer avec nous, soit ce soir, soit demain, comment ce qu'il faisait salaf pour arriver que la personne ait son châtiment du gouverneur. Le châtiment, c'est le gouverneur qui doit donner. Ce n'est ni personne de la communauté, mais c'est le gouverneur. يقول وما الساكت العامي فهذا له معاملة أخرى إن كان عنده علم والآن إن شاء الله ما يحتاج إلى ما عند أهل البدع من علم لأنهم ما عندهم علم الآن. Il dit حفظه الله كنت celui qui se tait, c'est-à-dire le commun qui ne prêche pas. Il dit ça, il a un autre comportement différent. Et s'il a de la science, il dit maintenant par Allah Azza wa Jal, on n'a plus besoin de la science qu'il y a chez les innovateurs. Parce qu'ils n'ont pas de science. On n'a plus besoin. Les plus aïeuls, salaf, ceux qui nous ont devancés, avaient besoin des hadiths du prophète qu'avaient les innovateurs. وأما الآن يقول الشيخ فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مدون فلسنا بحاجة إلى علمهم أبدا. Il compte maintenant. Le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, il est dans les recueils, ça y est. Nous n'avons pas besoin de leur science maintenant. يقول حفظه الله نترفق بعوامهم ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة وبين لهم. Il dit, en ce qui concerne le commun parmi ceux qui sont dans l'innovation, on leur fait la da'wa avec sagesse, en mettant les choses à leur place, avec de la bonne exhorte, en leur parlant comme il se doit, et on leur montre, on les éclaire, tout en intelligent le langage adéquat de toute personne. Chaque situation a un langage et des expressions à utiliser. يقول حفظه الله ونحن دعوتنا ليس همنا وديدننا الأحكام دعوتنا هدفها الأول والأخير إصلاح النفوس وإرشاد الناس إلى الحق وتحذيرهم من الباطل والأهواء التي تضرهم في دينهم ودنياهم دعوتنا تميز للناس الحق والباطل ولا نحكم إلا في حالة الضرورة. إيه الذي حفظه الله تعالى ندخل دعوة ندخل ceci ce n'est pas de juger le jugement directement mais le premier but dans notre da'wa et le dernier but c'est de réformer les personnes c'est-à-dire de remédier aux lacunes qu'ils ont de les mettre sur les rails de les mettre dans la droiture et d'orienter les gens vers la vérité et de les avertir contre le faux et contre les passions et les innovations qui leur font mal dans leur vie et dans leur religion. Notre da'wa montre aux gens, fait la part des choses entre le vrai et le faux, et montre la situation bien claire aux gens, là c'est le faux, là c'est le vrai. Et il dit, on ne juge pas que si on y est obligé, que dans les cas de nécessité où il faut émettre les sentences. يقول حفظ الله فهذا الجاهل الذي ترى أنه على بدعة علمه وبين له أخطاءه وبين له أن هذا العمل بدعة بالحجة والبرهان فلعل الله أن يهديه على ذلك ولا تسبق الأحكام البيان قدم البيان ثم بعدها إذا عاند واستكبر وأبى عند ذلك عامله بما يستحق من أحكام وغيرها. Il dit حفظه الله تعالى c'est ignorant que tu es en face de toi qui est dans l'innovation. Enseigne-lui, apprends-lui, montre-lui que ça, ce sont des erreurs. Montre-lui que ce qu'il est en train de faire, c'est une innovation. Montre-lui avec preuve. Tu ne parles pas du vide. Tu ramènes les preuves. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala le guidera par ton intermédiaire. Et n'y mets pas les sentences sur la personne avant de l'avoir éclairé, avant d'avoir ramené les preuves. Mets en avant les éclaircissements, les preuves. Et après, s'il s'entête et s'enorgueille, il refuse, dans ces cas-là, tu te comportes avec lui, avec les. Comme tu dois te comporter dans, avec quelqu'un qui est dans sa situation, comme il le mérite. كذلك من الأمور التي يجب أن ننبه عليها. مر معنا كلام الهوى أهل الأهواء وأهل البدع. Il passait avec nous, à beaucoup de reprises, terme de الأهواء et البدع. C'est-à-dire les passions et les innovations. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? يقول الشيخ عندما سئل هل هنا كفرق بين صاحب الهوى والمبتدع؟ يقول المبتدع وصاحب الهوى واحد. المبتدع أصحاب أهواء. ويقول قال عز وجل ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. يقول الشيخ كلهم سواء أهل الأهواء وأهل البدع. Et donc en ce qui concerne la différence entre ces deux termes, l'innovateur et celui qui suit ses passions, et صاحب الهوى. Cheikh il dit c'est identique. Agi akhi, rentre là-bas au coin, la pousser vers la droite, barakallahu fikoum, comme ça la porte reste libre si quelqu'un il arrive. Cheikh il dit celui, l'innovateur et celui qui suit ses passions, sahib al-hawa, sont identiques. Et les innovateurs, ce sont des gens qui suivent leurs passions. Et il dit, il ramène le verset, qui est plus égaré que celui qui suit ses passions hein? Et dans l'autre verset, n'as-tu pas vu celui qui a pris sa divinité, ses passions comme divinité? Allah subhanahu wa ta'ala l'a égaré. Kadhalika في سؤال أجاب عنه الشيخ ربي حفظه الله ما هي الأحكام المتعلقة بأهل البدع؟ C'est quoi les jugements qui doivent être appliqués aux gens de l'innovation؟ يقول حفظه الله إن هؤلاء ينقسمون إلى دعاة وغير دعاة. Il dit حفظه الله تعالى les innovateurs sont divisés en deux: ceux qui prêchent l'innovation et ceux qui ne la prêchent pas. أما الدعاة فلهم عقوبات ذكرها أئمة الإسلام منها النفي كما نفى عمر رضي الله عنه صبيغا ونفي غيره ونفى غيره ومنها القتل كما قتلوا الجعد بن درهم والحلاج وغيره من أئمة البدع والضلال. أما الأتباع فهؤلاء يرشدون ويبين لهم ويدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. Il dit, حفظه الله تعالى, en ce qui concerne les prêcheurs de l'innovation, ceux-là, ils ont des châtiments particuliers comme l'ont cité les imams, c'est-à-dire les hommes de science de l'islam, fait partie du châtiment, c'est de les faire exiler, comme l'a fait Omar Ridwanullah alayhi à Sabir, il l'a fait exiler, et comme il l'a fait pour d'autres. Et aussi fait partie de leur châtiment, c'est de les tuer, comme certains gouverneurs ont fait de l'Ja'd ibn Dirham, et quand ils ont fait de l'Hallaj, et d'autres grands imams de l'innovation et de l'égarement. Quant aux disciples, à ceux qui suivent, ceux-là, on les oriente, on leur apprend, on leur montre, on les appelle vers Allah avec sagesse, bon exhorte et de la meilleure des façons. Farajou anil kitab alladhi ma'ana. Wa nahnu fil bab tamim. نعم قال الشيخ عبد الله حفظه الله باب بيان أن العقاب ينزل على فاعل منكر وعلى من لم ينكر عليه. Après nous avoir cité le chapitre comme quoi il est obligatoire de blâmer le mal et d'ordonner le bien, après nous avoir cité comme quoi le gouverneur a châtié et a donné les sentences que méritent les innovateurs, maintenant il dit, chapitre, là, le châtiment tombe aussi sur celui qui fait le blâmable et celui qui ne le blâme pas. Les deux. Il est avec lui, il ne le blâme pas. Donc les deux vont subir le châtiment. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Il nous ramène les épreuves. Il est dit dans le verset, sont maudits ceux qui ont mécru parmi le peuple de Banu Israël par la voix de Daoud et de Isa, fils de Maryam, parce qu'ils ont désobéi, ils ont dépassé leurs limites, ils ont été injustes. Quand ils faisaient un blâmable, ils ne se l'interdisaient pas mutuellement. Et mauvais ce qu'ils faisaient. Il fait partie du grand blâme, c'est l'innovation aussi, fait partie des choses qui sont énormes. وقال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Et dans l'autre verset que cite Cheikh ici comme preuve, comme quoi le châtiment arrive aux deux parties, et pose-leur la question sur la cité qui était sur la côte au moment où le châtiment est arrivé. Quand le jour du samedi, Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit de pêcher, Allah les a éprouvés, le samedi il y a beaucoup de poissons qui arrivent. Et en dehors du samedi, il les a éprouvés, le manque de poissons. Pourquoi? Parce qu'ils désobéissaient à Allah. Parce qu'ils désobéissaient. C'est l'épreuve leur est venue, sa source, son origine, c'est la désobéissance à Allah. Et une communauté, une partie parmi eux deux, pourquoi vous faites la leçon et à ceux, à des gens, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les faire périr. C'est-à-dire pourquoi vous les blâmez? Pourquoi vous leur ordonnez le bien? Allah subhanahu wa ta'ala va les châtier. Il dit, pour que ce que nous faisons, que ce soit une excuse pour nous chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal, que ce soit une excuse pour nous chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et peut-être qu'ils vont revenir, ils vont préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils ont oublié les choses sur lesquelles on leur a fait le rappel, il est dit dans le verset, nous avons fait sauver ceux qui interdisaient le mal. Et nous avons envoyé l'énorme châtiment à ceux qui étaient injustes parce qu'ils étaient désobéissants. Et quand ils se sont entêtés et qui sont devenus durs dans le mal qu'ils faisaient, et dans ce qui leur a été interdit, il leur a été dit, soyez des singes. Ainsi. Pourquoi tout ça? Le mal dans lequel ils sont tombés. C'est désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tu crois qu'avec l'innovation, on ne désobéit pas à Allah? L'innovation, tu changes la religion d'Allah. C'est un degré plus élevé. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال سمعت عاملا يقول سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a dû rapporter ce hadith. Il dit que Abu Nu'aym l'aura dit, que Zakaria l'aura dit. J'ai entendu Amir dire que j'ai entendu Nu'man ibn Bashir dire que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit. L'exemple de celui qui accomplit les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui tombe dedans, c'est-à-dire qui transgresse. Et comme des gens qui ont fait le tirage au sort sur un bateau. Qui va être en haut du bateau, qui va être en bas. Et ceux qui étaient en bas, quand ils ont besoin d'eau, ils vont en haut pour chercher l'eau, trouvaient qu'ils dérangeaient ceux qui étaient en haut. Et ils ont dit donc, si dans notre part on fait un trou dans le bateau, en bas on fait un trou dans le bateau, comme ça on dérange plus nos frères qui sont en haut. Si ceux d'en haut, ils les laissent faire, hein, ce qu'ils voulaient, ben ils vont périr tous. Et s'ils le remettent à leur place, ils leur montrent que ça c'est pas bien, ils vont être sauvés tous. Hein? La même chose. En ce qui concerne l'innovation, en ce qui concerne le blâmable, etc. وقال أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية عن خالد وحدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم المعنى عن إسماعيل عن قيس قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال عن خالد وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالمة فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون الحديث اي أبو داود رابورته كلا سبحانه وتعالى الكمبل دو سانت ميزيركورد après la chaîne de transmission il dit qu'Abu Bakr après avoir fait les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit aux gens, vous récitez, vous lisez ce verset, vous ne le mettez pas à sa place. Ça vous suffit que vous. Vous fera aucun mal le fait que les autres s'égarent si vous vous êtes guidés. Il a dit ce verset, vous le lisez et vous ne le mettez pas à sa place. Et il a dit que Khalid leur a dit que nous avons entendu le prophète alayhi salam leur dire les gens, quand ils voyaient un injuste et qu'ils ne le remettent pas à sa place, Allah subhanahu wa ta'ala va leur envoyer le châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala va leur envoyer le châtiment. Quoi de plus injuste que de voir l'innovation ou d'aller apprendre chez l'innovateur ou de s'asseoir dans les assises de l'innovation et ainsi de suite. C'est énorme. Et dans l'authentique de Muslim, Salama radiallahu anha, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, il va y avoir des gouverneurs qui vont vous gouverner, vous allez reconnaître des choses et vous allez blâmer certaines choses. C'est-à-dire, vous allez reconnaître ce qui fait partie de la religion et ne pas reconnaître ce qui fait partie de, ce qui ne fait pas partie de la religion. وجاء إلى الباب التاسع وقال باب تغليظ عقوبة من نهى الناس عن المنكر ثم يأتيه. Et le neuvième chapitre aussi, il y a le fait que le châtiment est énorme. Le titre est « Le châtiment est énorme pour celui qui interdit aux gens le blâmable, et lui il le fait. » Il dit « Ne faites pas ça, lui il le fait. » قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. Il est dit dans le verset, est-ce que vous ordonnez aux gens le bien, la dévotion, et vous vous oubliez vous-même, alors que vous récitez le livre, vous n'êtes pas doué de raison, vous n'avez pas de raison. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Il est dit dans l'autre verset, oh vous qui avez cru, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? C'est un grand mal chez Allah subhanahu wa ta'ala le fait de dire ce qu'on ne fait pas. وقال تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Il est dit dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce ce que Shu'aib a dit à son peuple. Dans cette traduction approximative, il a dit à son peuple: ô peuple, voyez, si je suis sur une clarté dans ma situation, une clarté qui m'est venue de mon souverain, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné ceci. Il m'a donné une noble subsistance, une bonne subsistance. Je ne veux pas être en divergence avec vous sur les choses que je vous interdis. C'est-à-dire, je ne ferai pas les choses que je vous interdis. Je veux le bien, je veux la réforme, tant que je peux. Et l'accomplissement vient min Allah et je fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vers Allah subhanahu wa ta'ala, je cherche refuge. وعن أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله. C'est un hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Cheikh Nasr, rahmatullahi alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Quand il cite ce hadith, il dit ça, c'est un hadith horrible. C'est un hadith énorme. C'est un hadith qui lui faisait beaucoup peur, rahimahullah, parce qu'il comprenait le sens des mots et où est-ce que ça allait. Et le hadith de Usama ibn Zayd dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wasalam dire qu'on ramène le jour de la résurrection un homme et il est jeté dans le feu de l'enfer et ses tripes et ses boyaux vont être pris comme dans un pivot, il va tourner comme tourne l'âme autour du moulin. Et les gens de l'enfer vont se tourner autour de lui, ils vont lui dire, tu n'es pas telle personne qui nous a donné le bien et qui nous blâmait quand on fait du mal. Il leur dira, oui, certes, je vous ai donné le bien, je ne le faisais pas, et je vous interdisais le mal, et je le fais. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, salam wa l'afiyah. Cheikh Nasr, quand il lisait ça, il pleurait. Dans certains de ses audios, tu l'entends pleurer quand il passe à côté de ce hadith. Parce qu'il comprenait la portée de ce hadith. Hein, et que c'est énorme de dire ce qu'on ne fait pas. Et d'interdire aux gens des choses et de les faire. Hein. Yaqulu hafidhahullah, Cheikh Abdallah Somali. فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الدِّرَاسَةَ عِنْدَ أَهْلِ الْبِدَعِ فِيهَا مِنَ الْمَفَاسِدِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُنْكِرَ عَلَى صَاحِبِ الْبِدْعَةِ وَعَلَى الَّذِي يَأْتِيهِ وَيَدْرُسُ عِنْدَهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يَقُومُ بَعْضُ النَّاسِ بِهَذَا الْوَاجِبِ فَيُنْكِرُ هَذَا الْمُنْكَرَ فِي خَارِجِ حَلَقَةِ أَهْلِ الْبِدْعِ إلا أنه لا يقدر على ذلك في حلقاتهم. ثم يأتي إليهم فيتتلمذ على أهل البدع فيكون مستحقا لهذا العقاب. Il dit, حفظه الله تعالى, un point sur lequel il attire l'attention. Il dit, quand tu sais que le fait d'étudier chez les gens de l'innovation, il y a ce grand mal, et ce mal dont la grandeur ne la connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et comme quoi il est obligatoire de blâmer le prêcheur de l'innovation et celui qui vient étudier chez lui, sache qu'il y a des choses, des gens qui peut-être accomplissent ceci, blâment l'innovation, avertissent les gens contre le fait d'aller étudier chez les innovateurs et ainsi de suite. Il accomplit ce devoir. Mais il accomplit ce devoir en dehors des assises des gens de l'innovation. Tout simplement, il ne peut pas le faire dans leur assise. Et après il vient, il s'assoit pour apprendre chez eux. Et dans ces cas-là, il mérite ce châtiment. Parce qu'il dit aux gens... Il a interdit aux gens des choses, et après lui, il fait ce qu'il aura interdit aux gens. Hein? Qu'est-ce qu'il en est maintenant? On est dans des situations, par exemple, hein? Là-bas au Maroc, certains de nos frères ont quitté la France. Ils sont venus. Ils savent très bien que certaines écoles, comme à Casablanca, ce sont des écoles qui sont tenues par les Mghraoui. Ils avertissent contre les Mghraoui, les tendances de les Mghraoui, mais leurs enfants, ils les mettent dans ces écoles. Allah subhanahu wa ta'ala, salam wa l'afia. Hein? C'est pas tout simplement le fait d'avertir. Tu veux jusqu'où boire l'islam? Ça te concerne aussi. C'est pas les autres et toi où tu es. Où tu te mets toi dans ces cas-là? Yaqul al-Sheikh al-Bab. هذا الباب العاشر ياك لو ديزيام شابتر دي بيان ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لو ديزيام شابتر دي ونو مونت كوم كوا لي كور ديز هومان سونتر لي دوا دو دوا parmi les doigts du Clément عز وجل il les tourne comme il veut عز وجل قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Il est dit dans un verset que c'est cher ici. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et à l'appel du messager quand il vous appelle à ce qu'il va faire votre vie. Ils sont vivants. Mais la réelle vie, il est dans le suivi, dans l'obéissance à Allah et dans l'obéissance au messager. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'interpose entre l'être humain et son cœur. Et vous allez retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala jette les voiles sur le cœur des personnes. وقال تعالى وأنقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Et dans ce verset, nous les châtions comme ils n'y ont pas cru la première fois. Et nous les laissons baigner dans leur châtiment. Hein? وقال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Parce que maintenant tu as la sécurité du châtiment d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, certaines personnes sont dans le mal, sont dans l'innovation. Ils sont là, ça fait 20 ans que ça dure, 30 ans. Tu crois que il y a rien qui va se faire après? Ah, c'est ce qu'on appelle l'istidraj. Ils sont là, ils ont du lest, etc. Mais quand le châtiment arrive, il est sévère. Hein? وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Et quand ils, dans l'autre verset, quand ils ont divié Allah, il a divié leur cœur. Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les peuples pervers, les peuples désobéissants, le foussard, hein? La désobéissance. Sortir de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض أي المنافقين وهم جازمون بأنهم لن يعملوا بها. نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وعليكم السلام ورحمة الله. Et il est dit dans l'autre verset, quand une sourate descend, et là, assieds-toi. Lâche une jide, c'est pas une mosquée, Inch'Allah. Et il aurait dit, quand une sourate descend, les uns se regardent, ils se jettent des regards entre eux, les hypocrites. Ils ont la ferme résolution comme quoi ils ne vont pas la mettre en application. Hein? Et après, ils détournent. Allah subhanahu wa ta'ala a détourné leur cœur parce que ce sont des gens qui ne comprennent rien. Ça, tous ces versets-là, ils te les ramènent pourquoi ? Pour que tu saches que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui tient les cœurs. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala tourne les cœurs comme il veut. Hein? وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Et dans l'authentique de Muslim, Abdullah ibn Amr ibn al-As a entendu le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dire que les cœurs des descendants d'Adam, tous jusqu'à la fin des temps, tous les cœurs des humains sont entre deux doigts, des doigts du Clément Azza wa Jal, comme un seul cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala les oriente comme il veut. Il fait de ce qu'il veut. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, oh Allah, fais que mon cœur soit orienté vers quoi? Dans ton obéissance. Je faisais partie des grandes du'a que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Oriente mon cœur vers ton obéissance, dans ce qui est ton obéissance. Wa fi sunan at-Tirmidhi عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ها إذن سنن الترمذي أم سلمة تنجي que les دعاء du prophète عليه الصلاة والسلام qu'il faisait beaucoup. Oh toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Donc ce cœur il faut le protéger à l'islam. Il faut que tu fasses des dua, il faut que tu le protèges aussi. Tu ne t'assois pas avec les innovateurs. Tu n'écoutes pas les audios des innovateurs. Tu ne vas pas assister aux cours des innovateurs et à leurs assises, etc. وعن النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. رواه أحمد في المسند وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. النواس بن سمعان يقول j'ai entendu le prophète عليه الصلاة والسلام dire que chaque cœur il est entre les deux doigts d'Allah Azza wa Jal, les deux doigts parmi les doigts du Clément Azza wa Jal. S'il veut le guider, il le guide. S'il veut l'égarer, il l'égare. Et le hadith, il est authentique, il a été authentifié par Cheikh Nasr, rahmatullah alayh. Il est dans le Musnad d'Imam Ahmad ibn Majah. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القلب كريشة بفلات من الأرض يقيمها الريح ظهرا ببطن. أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه يقول que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit ce cœur, il est comme une plume en plein désert. Le vent fait de la plume comme il veut, il la tourne comme il veut. La même chose à l'islam, si tu ne le protèges pas, les innovations vont te le tourner comme ils veulent. Un jour, tu fais le globe-trotteur, un jour, tu es politicien, un jour, tu es khawarij, un jour. Tu joues au théâtre, un jour tu as le grand chapelet, et vas-y, t'en finis pas. Si tu ne le préserves pas, des assises de l'innovation et des preuves du mal, عندك اخ الاسلام te fais pas avoir. T'as qu'une seule vie. Il va être de 30 ans, il va être de 40 ans, ou de 60 ans, ou de 20 ans. Fais attention, c'est ton capital, ne le perds pas. Et qu'on ne te le fasse pas perdre. Qu'on ne te fasse pas perdre ton capital, akhal islam. Ne le vends pas à vil prix. Là, tu passes juste là, tu ne vas pas revenir pour remédier au problème. Tu ne pourras pas, c'est impossible, il n'y a personne qui est revenu. Et personne ne reviendra pas. Ne reviendra pour, tu, hein, pour rattraper le temps perdu. Abadan. Abadan, akhal islam. Donc fais très attention. Où tu mets le pied. Qu'est-ce que tu fais dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que tu gobes? Ne gobe pas n'importe quoi. Fais comme il a dit, puisqu'on est dans le chapitre des cœurs. Fais comme il a dit, fais que ton cœur, il soit de la glace. Comme une vitre. Les idées arrivent, les ambiguïtés arrivent, il tape dedans et il retourne. Comme fait la balle de ping-pong quand il la tape contre le mur, il bondit, il revient. La même chose. Ne fais pas de ton cœur une éponge qui est... Il ne fait qu'aspirer les ambiguïtés. Attention à toi, akhal islam. Ton cœur ne doit pas être une éponge. Tout ce qu'il entend, il gobe. Jma. أخي الإسلام عندك ها؟ وأخرج ابن أبي عاصم في كتابه السنة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول الله إنك تكثر بهذا الدعاء فهل تخاف قال نعم وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. Et dans Abi Asim, dans son livre Sunna, pour dua, Aisha radhiyallahu anha, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam disait beaucoup ce dua. Oh, toi qui as raffermé les cœurs, raffermé mon cœur sur ta religion. Et Aisha lui a dit, ya Rasulallah, tu ne cesses, tu répètes beaucoup ce dua. Est-ce que tu as peur? Il dit, certes, ya Aisha. Qui me donne la sécurité? Qui garantit j'ai, ya Aisha? Alors que les cœurs des serviteurs entre eux sont entre deux doigts parmi les doigts du Clément. L'islam ne fait pas, n'importe quoi avec ton cœur. Ne remplis pas ton cœur de n'importe quoi. Protège ton cœur. Parce que si la source du bien, elle est là. S'il est rempli de vipères à cornes, de scorpions, d'histoires à dormir debout, c'est fini. Tu vas vers ta perte. فيقول الشيخ حفظه الله تعالى فإذا علمت أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق كان أكثر دعائي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك فكيف يصلح لعاقل أن يقول أنا أدرس عند أهل البدع وأحافظ على قلبي من الزيغ والانحراف لأن لكل من الزيغ والهداية أسباب تؤدي إليه فإذا سلكت سبل الزيغ والضلال ومن أعظمها الدراسة عند أهل البدع زاغ قلبك وضللت عن الصراط المستقيم قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فإذا استعنت بالله وسلكت سبل الهداية والرشد يستقيم قلبك بإذن الله وتكون على صراط مستقيم فنسأل الله أن يجنبنا الزيغ والضلال وأسبابهما والله المستعان. الشيخ دو ندير حفظه الله تعالى. Si tu sais maintenant que les cœurs des créatures sont entre deux doigts parmi les doigts du Clément et qu'il les tourne comme il veut, c'est-à-dire Allah tourne les cœurs comme il veut, et que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la plus noble des créatures d'Allah, ce qu'il faisait beaucoup comme dua, ou toi qui tourne les cœurs, raffermis mon cœur dans ton obéissance. Comment ici est celui qui est doué de raison des cheikhs avec Allah ta'ala, qu'il dit moi je vais étudier chez les gens de l'innovation et je vais préserver mon cœur de l'égarement et de la déviance. Car dit Cheikh Abdallah que que ce soit la guidée ou la déviance et l'égarement, ils ont des causes qui vont amener la guidée à des moyens qui vont. Il y a des moyens qui vont t'amener à la guidée, il y a des moyens qui vont t'amener à l'égarement. Hein? Si tu prends le chemin de l'égarement, et les chemins de l'égarement ils sont nombreux, hein? Et parmi les grands chemins de l'égarement, c'est d'étudier chez les gens de l'innovation. Ton cœur va dévier et tu vas t'égarer de la voie droite. Comme il est dit dans le verset, leur cœur ont dévié. Hein? Comme ils ont dévié, Allah subhanahu wa ta'ala fait dévier leur cœur. Donc l'un des moyens pour te dévier, c'est d'apprendre chez l'innovateur. Et si tu apprends chez lui, tu as pris un moyen pour dévier. Et donc, Allah le musta'an. Et si tu cherches aide auprès d'Allah Azza wa Jal, et tu prends le chemin de la guidée, ton cœur va aller dans la droiture avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas être sur la voie droite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous évite à tous la déviance et les moyens et les causes qui vont amener à la déviance. والباب الحادي عشر يقول الشيخ باب بيان سبب الذي أخرج أبونا آدم من الجنة. Le dixième chapitre, Cheikh il dit, le onzième chapitre, barakallahu fikoum, la cause qui a fait sortir notre père Adam du paradis. قال الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. Il est dit dans le verset, nous avons ordonné à Adam auparavant, il a oublié. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. Et nous avons dit aux anges de se prosterner à Adam. Ils se sont tous prosternés, sauf Iblis qui a refusé. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Adam, ô Adam, celui-là c'est ton ennemi déclaré à toi et à ton épouse, c'est-à-dire Shaitan, qu'il ne vous sorte pas du paradis, vous allez avoir des difficultés. Hein? إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. Dans ce paradis, tu n'as pas à avoir faim, tu n'auras pas faim et tu ne seras pas déshabillé. وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. Et dans ce paradis, tu n'auras pas soif et non plus tu souffriras pas du soleil et de la chaleur. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Et Shaitan est venu lui murmurer et l'induire en erreur. Il lui a dit, Adam, tu veux que je te montre l'arbre qui va te donner l'éternité, tu ne mourras pas après. Il va te donner un royaume qui ne va pas se terminer. Hein? Il l'a induit en erreur par les bonnes idées. Il lui fait miroiter quelque chose de bien. Jamais un innovateur il va te venir dire, je suis dans l'innovation. Il va te montrer les portes de paradis grandes ouvertes devant toi. Hein? Hein? Regarde les hadiths qui citent les Globetrotters. Hein? Ce sont les hadiths sur le combat, sur le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala, et te l'amène là. Et tu prends ton pactage, tu vas, et c'est bon. C'est Allah subhanahu wa ta'ala salam. Ils ont bilis. Et les innovateurs, tout n'importe. Hein? Et tous ils t'embellissent. Allez, te kfiri aussi, tu dis les clés de paradis sont dans ça. Ils t'embellissent. Et ils t'envoient, ils font de toi de la chair à canon, comme ils en ont fait de beaucoup de jeunesse en Irak et ailleurs. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, il te bitna wa iyakum. فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. Et ils ont mangé. Il les a induits en erreur. Il leur a embellé la situation. Ils sont allés manger de l'arbre. Et là, ils se sont rendus compte de l'énormité de l'erreur qu'ils ont fait. Et après, ils se sont retrouvés nus. Et là, Adam est revenu à lui-même. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a élu, il lui a pardonné, il l'a guidé. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Il leur a dit à tous, descendez, c'est-à-dire descendez du paradis. Les uns sont les ennemis des autres. Il va vous arriver une guidée de ma part, c'est-à-dire les livres, les messagers, etc. Celui qui suit ma guidée, ben, il ne s'égarera pas et il ne sera pas attristé. Et celui qui ne suit pas la guidée d'Allah, est-ce que veut de lui Allah, qu'est-ce qu'il va lui arriver? Le sens contraire. Il sera attristé dans ce bas monde et dans le delà, khalil islam. Yaqul le shaykh. فقد تبين من هذه الآيات الكريمة أن السبب الذي أخرج به أبونا آدم من الجنة هو من هذا الباب أي استماع كلام أهل الباطل وعلى رأسهم الشيطان. الشيخ de nous dire, regardez la clairvoyance. الشيخ de nous dire de ces versets, de ces nobles versets, nous apparaît, Alhamdulillah, que la cause qui a fait sortir notre père Adam du paradis vient de là. C'est le fait d'avoir écouté les paroles des gens du faux. Et alors, tête shaitan. Hein? فهذا نبي من أنبياء الله قد حذره الله من إبليس بعينه وأخبره أنه عدو له ثم لما استمع كلام الشيطان حصلت له هذه المعصية. الشيخ de nous dire ça, c'est un des prophètes d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a averti d'Iblis. Il lui a annoncé que celui-là, c'est un ennemi déclaré. Et quand il a écouté la parole du shaitan, il a désobéi, il est tombé dans la désobéissance. فما بالنا نحن وبالكم يا معشر من يتمسح بالدراسة عند أهل البدع. Qu'est-ce qu'il en est de nous maintenant? Et de vous qui veulent, certains étudier, certains veulent étudier chez les gens de l'innovation. Ils s'autorisent le fait d'étudier chez les gens de l'innovation. Qu'est-ce qu'il en est de nous? Ah, c'est un prophète, alayhi salam. Comment nous on peut avoir la sécurité pour nous-mêmes? Alors le Coran il est descendu pour qu'on le médite à Khalil Islam. Hein? Alors il faut. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des éclaircissements. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé d'un bienfait. Ces nobles compagnons qui ont transmis la lettre et la signification de la lettre. Et leurs successeurs qui ont transmis jusqu'à nos jours. Et les hommes de science dignes de cette voie qui continue de nous éclairer encore plus. Et il ne faut pas prendre des virages. Vous êtes dur, vous savez que faire des avertissements, et ceci, cela. Arrête, Akhal Islam. Shaitan est en train de jouer avec toi. Hein? Ils sont gentils, ils disent « Qala Allah », ils disent « Qala Rasulullah ». Ben quand ils disent « Qala Allah », Qala Rasulullah, ils les mettent à leur place. Ils prennent ces preuves qui sont véridiques, ils les mettent là où il faut les mettre. Ils ramènent l'interprétation qu'on a donnée au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Arrête de dire n'importe quoi. Ne donne pas, ne vends pas ton cœur. Et ne donne pas ta raison à n'importe qui. Réveille-toi. Ne t'endors pas. Hein? Il ne faut pas te faire bercer comme ça. Par les belles paroles. Hein? Et arrête. Là, ils sont durs, si c'est la fille. Là, des fois, frère Allah, tu vas chez le médecin. Yak, tu es malade. Et tu aimes bien ton poulet au curry. Ou là, ton poulet à la sauce masala. Et tout d'un coup, le médecin, tu le manges pas. C'est fini, tu ne manges plus, sinon ton estomac est foutu. Ils te donnent des médicaments qui sont amers. Tu dois avaler ça le matin, le soir, à midi, si tu veux guérir et préserver ton estomac. Et tu le fais. La même chose, à l'islam. Il est des choses dans lesquelles il y a notre bien qui sont fermes. On ne dit pas dur, ils sont fermes, mais ils doivent être dites ainsi. Hein? Il faut arrêter de jouer. Hein? Qu'on ne se la joue pas à nous-mêmes. Et qu'on n'induise pas nos frères et nos jeunes frères en erreur. Non, il y a le bien en cela. Il y a le bien en cela. Quel bien il y a en cela? Quel bien? Après, quand tu veux, là, on le laisse un petit peu avec eux. Au moins, il va apprendre quelques trucs et des trucs. Et après, on va le récupérer. Qu'est-ce que tu vas récupérer? Il va recevoir le vaccin. On va le blinder. Après, il va te voir de loin. Il change de trottoir. Il te regarde plus. Pour lui, tu portes la gale. C'est fini. Qu'on arrête à l'islam. On prend nos novices et on leur donne. On va. On va. Qu'on craint Allah Azza wa Jal pour notre religion. Qu'on craint Allah subhanahu wa ta'ala pour nos frères et pour nos sœurs. Hein? يقول الشيخ ثم ربنا عز وجل لم يكتفي بهذا بل حد لنا من أن نقع في مثل ما وقع فيه أبونا آدم. الشيخ de nous dire en commentaire à ce verset dit Allah subhanahu wa ta'ala ici pas suffit tout simplement de ça, mais il nous a averti du fait qu'il ne faut pas tomber dans la même situation dans laquelle est tombé Adam alayhi salatu wassalam. Hein? C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a averti. Il a dit le croyant ne se fait pas mordre deux fois du même trou. C'est pas piqué deux fois dans le même trou. Hein? فقال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Et le verset est clair. C'est pour ça, Cheikh il a utilisé des versets clairs, à tel point qu'il ne ramène même pas. Vous avez vu quand on a commencé tout à l'heure, il ne ramène même pas le commentaire. Il dit, ils sont tellement clairs que, hein, ici, ô descendants d'Adam, que Shaitan ne vient pas vous perturber, comme il a sorti vos parents du paradis. Hein? Et, en obéissant, en suivant sa voix, ben, ils étaient dénudés. Et ils ont vu leur partie intime. Car Shaitan, lui, s'attribue, il vous voit de là où vous ne le voyez pas. Et nous, il est dit dans le verset, nous avons fait que Shayatin sont les alliés de ceux qui ne croient pas. Shayatin sont les alliés de ceux qui ne croient pas. Donc, le Coran, il est là. Il y a des leçons à retenir. Nous devons nous conformer. Hein? Et Shaitan, lui, qu'est-ce qu'il veut faire d'un ennemi? Lui, il te voit, toi, et toi, tu ne le vois pas. Hein? C'est énorme, hein? C'est énorme. Pour l'anecdote, deux boxeurs du même poids, 100 kilos, 100 kilos, là, petite plume, grande plume, hein? Sur le ring, un, tu lui mets le bandeau, et un, tu le laisses. Celui qui n'a pas le bandeau, il tape, il le ramène par terre. Et celui qui a le bandeau, il patauge. Nous, avec Shaitan, on est comme ça. C'est pour ça qu'il faut chercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Il faut se blinder avec la sunna du prophète. Il faut utiliser les du'as que nous a appris le Rasoul pour s'en préserver. Et il ne faut pas tomber dans la gueule du loup. Il ne faut pas aller chercher notre perte et creuser notre tombe nous-mêmes. Il faut s'éloigner de là des choses desquelles le Rasoul nous a ordonné de s'éloigner. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.